Un grand merci à Karine Chemla d'être venue aujourd'hui pour la séance du séminaire Code Source. Un des buts du séminaire Code Source, c'est de montrer la généralité des concepts informatiques, et en particulier de montrer qu'ils ne s'appliquent pas que aux ordinateurs. Et pour étudier l'informatique d'avant l'ordinateur, le travail de Karine Chemla est extrêmement enrichissant. Elle a notamment publié une édition des 9 chapitres, qui est mon livre de chevet. Les 9 chapitres, c'est le grand classique des mathématiques chinoises. Karine Chemla, au départ, est une mathématicienne devenue sinologue aussi. Plus tard, elle s'est orientée vers l'étude des mathématiques anciennes en général, et en particulier, enfin entre autres, sous un aspect méthodologique, c'est-à-dire quels sont les bons concepts, est-ce que plutôt nos concepts ne sont pas viciés quand on essaye d'étudier des pratiques mathématiques anciennes. Et parmi les outils qu'elle a mobilisés, il y en a qui sont particulièrement familiers au public du séminaire Code Source, puisque un de ses premiers articles, ou le premier, c'était « Devrait-il lire Fortran comme si c'était de l'anglais ?» Le commentaire très, très riche des 9 chapitres, Karine aussi fait un usage de CNUS, des concepts de programmation tirés de The Art of Computer Programming. Ça fait beaucoup de raisons pour recevoir Karine Chemla, qui est directrice de recherche au laboratoire Sphère à Paris 7, que je ne fasse pas de bourde. Et Paris 1, figure-toi. On oublie toujours Paris 1. Paris 1 ? Et oui. D'accord, bon, allez, et Paris 1. Parce qu'en fait, on a une tentacule du côté de l'histoire. Oui, mais je fais toujours l'erreur comme tout le monde. Ah bon. Tu as raison. Ah bon. J'ai tort. Et Karine Chemla dirige aussi le. Il s'est enregistré maintenant pour l'éternité. Et Karine Chemla dirige aussi le projet SO, Sciences in the Ancient World. Et c'est un projet dans lequel il y a justement un projet européen qui consiste à étudier de façon parallèle les mathématiques chinoises, mésopotamiennes et indiennes, entre autres, les autres sont les bienvenus aussi, afin de voir les analogies de méthodes qu'il peut y avoir d'un domaine à l'autre, et d'étudier en particulier les pratiques et les algorithmes. Et puis les interactions avec l'ensemble de la culture dans laquelle ces mathématiques prennent place. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Donc, mais Karine. Mais non, tu peux continuer. Parce que vous savez. Merci et merci à tous les organisateurs de cette invitation. Ça me fait très plaisir. J'ai bien retrouvé ma souris, mais. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Et j'espère vraiment que ce que je vais vous montrer, ça va vous inspirer des réactions. Parce que j'aimerais bien. Pousser ma réflexion plus loin sur la base de vos réactions. Donc en fait, je voudrais revenir à un sujet dont j'ai beaucoup parlé dans les dernières décennies, y revenir parce que je pense que je peux lui donner un développement assez étonnant aujourd'hui sur la base des travaux que j'ai faits récemment. Je me suis beaucoup intéressée depuis longtemps à la manière dont, dans une tradition donnée de la Chine ancienne, et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi c'est et comment c'est une tradition donnée de la Chine ancienne, on a fait usage de positions pour travailler les algorithmes. Et c'est autour de cet usage des positions pour opérer et aussi pour travailler sur les algorithmes que je voudrais prolonger des choses que j'ai déjà faites. Donc, je vais revenir à ce que j'ai déjà fait en essayant de ne pas trop m'attarder. Peut-être, du coup, ça risque d'aller un peu vite. Mais enfin, j'ai fait mon possible pour vous emmener avec moi. Et ensuite, j'espère pouvoir montrer comment j'ai poussé ça plus loin. Et qu'en fait, j'ai eu le plaisir de voir qu'un certain nombre de choses que j'avais mise au point, finalement, me donner des outils pour aller plus loin. Donc, réflexion sur l'usage des positions dans le calcul, dans une certaine pratique, dans une certaine tradition des mathématiques de la Chine ancienne. Alors, juste pour fixer les choses, vous savez qu'on divise l'histoire de Chine en dynasties. L'Empire chinois est fondé en 221 avant notre ère, c'est la dynastie Qin, c'est celle où l'empereur s'est fait impérer avec ses soldats, rapidement supplantée par la dynastie Han, qui va en gros aller de la fin du 3e siècle avant notre ère au début du 3e siècle après notre ère. Beaucoup des textes anciens dont je vais parler aujourd'hui datent de cette période. Pour l'héritage mathématique, la dynastie Tang, en particulier les premières décennies, vont jouer un rôle important. C'est une dynastie dans les premières décennies de laquelle on revient à l'héritage classique, et en particulier l'héritage classique mathématique. Je vais vous expliquer immédiatement pourquoi. Après les Tang, période de division en Chine, et c'est la dynastie Song qui réunifie la Chine en 960. À nouveau, retour à des classiques. Et si tout se passe bien, la fin de mon exposé portera sur la dynastie Song. Alors, voici déjà une représentation, une illustration d'une page qui vient d'une impression du XIIIe siècle, qui est le texte le plus ancien connu à avoir été transmis par la tradition écrite. J'ai bien dit impression, c'est le document le plus ancien qui est imprimé en mathématiques. En fait, il s'agit d'une impression qui va redonner à un public comme classique les 10 classiques de mathématiques. Alors, en gros, au 7e siècle, au début du 7e siècle, sous la dynastie Tang, qui a été établie en 618, comme je viens de dire, les institutions impériales veulent redonner les textes classiques dans des bons textes, dans des bonnes versions. Et on demande à un érudit ainsi qu'à ses collègues, l'érudit c'est Li Chunfang, de réunir 10 classiques de mathématiques, au nombre desquels aujourd'hui je vais mentionner le classique mathématique de Maître Sun, qui est écrit aux alentours de 400, et les 9 chapitres qui datent en gros du 1er siècle. Et on demande aussi à ces érudits de sélectionner des commentaires particulièrement importants. Pour les 9 chapitres, ils sélectionnent le commentaire de Liu Hui, commentaire achevé en 263. Et ils rajoutent à cette version correcte des classiques leurs propres annotations. Donc, il y a un ensemble de classiques qui prend forme, qui est présenté au trône en 656. C'est cet ensemble de classiques qui va être utilisé immédiatement dans l'école de mathématiques qu'on établit à l'université impériale, et il va y avoir des gens qui vont être formés en mathématiques avec ces classiques et aussi avec deux autres textes qui, eux, n'ont pas le statut de classique. D'une part, les classiques, d'autre part, les manuels qui incarnent le curriculum pour l'enseignement des mathématiques vont régulièrement faire l'objet de projets impériaux pour être redonnés, alignés à un public qui se forme en mathématiques. C'est pour ça qu'au XIIIe siècle, on imprime ces textes et c'est l'édition la plus ancienne qui nous est parvenue. Tu as écrit impression de 1200-1200. Merci de remarquer ma coquille, c'est 1200-1213. Certaines postfaces de la personne qui a réalisé cette impression sont de 1200, d'autres postfaces sont de 1213. Donc on ne sait pas très très bien, parce qu'il ne nous reste que certains des classiques, on ne sait pas très très bien comment cette impression. Merci pour avoir repéré la coquille. Donc ça, c'est ce qu'on prenait comme les mathématiques de la Chine. Récemment, mon collègue Zhu Yiwen s'est rendu compte que dans les commentaires à d'autres classiques, qu'on appelle les classiques confucéens, il y avait en fait une autre pratique des mathématiques dont je ne vais pas parler, ne serait-ce que pour évoquer certains de ses traits et aussi pour vous dire que avant l'avènement des programmes nationaux, de l'enseignement obligatoire, etc., il est évident qu'il n'y a pas une mathématique unifiée sur tout l'Empire de Chine. Et même dans les même parmi les gens qui sont à la cour, on peut retrouver des manières de faire des mathématiques, des manières de calculer complètement différentes. Donc, les pratiques de la position dont je vais parler, elles se trouvent dans cette tradition qui est attachée au classique, et on va voir qu'elles ne se trouvent pas du tout dans cette tradition qui vient d'être mise au jour de manière de faire des mathématiques dans les commentaires au classique attachés au nom de Confucius. Enfin, il y a aujourd'hui une troisième source pour les recherches historiques sur les mathématiques. Ce sont des manuscrits qui ont été trouvés dans les tombes. Et pour ce qui est des positions qui m'intéressent aujourd'hui, ça va être un troisième cas de figure. Donc je vais avoir trois traditions différentes que je vais, pour l'une d'entre elles, énormément creuser et pour les autres, simplement mentionner à titre de contraste. Je voudrais, avant de vous montrer à quoi ressemble un manuscrit trouvé dans une tombe, vous dire que la raison pour laquelle j'ai mis deux classiques, le classique mathématique de Maître Sun et les neuf chapitres, dans un ordre chronologique inverse, puisque les neuf chapitres, eux, sont achevés au premier siècle de notre ère. C'est ma thèse, en tout cas. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, mais c'est ma thèse, et que le commentaire est achevé en 263. Donc vous voyez que je les ai mis en ordre chronologique inverse. C'est que, probablement, pour des raisons de documents administratifs que nous avons, c'est l'ordre dans lequel ces classiques étaient enseignés, et vous allez voir comment je vais utiliser ce fait dans un moment. Oui. Peut-être une remarque. Quand on parle du théorème du chinois, c'est Maître Sun, si je ne dis pas de bêtises. Si tout va bien. Ah bon ? Aujourd'hui, je parle du théorème d'Archimède. Ah d'accord, pardon. Si tout va bien. Oubliez ce que j'ai dit. Non, mais je ne parlerai pas. Oui, tu as raison, c'est Maître Sun, mais c'est surtout au XIIIe siècle. Et je voudrais vous montrer le jeu absolument incroyable de position qui... et la manière de résoudre les problèmes attachés au théorème que nous rappelons des théorèmes chinois. C'est mon objectif, c'est d'arriver là. C'est pour ça que je voudrais aller assez vite dans la partie qui est connue. Donc, première tradition, celle sur laquelle je me concentre, les classiques. Deuxième, enfin les classiques mathématiques. Deuxième, les commentaires aux classiques confucéens. Et troisième, ce sont les manuscrits qu'on commence à retrouver dans les tombes, justement des tombes de la dynastie Qin, de la dynastie Han, des débuts de l'Empire. Donc cette fois-ci, ce sont des documents qui sont écrits sur des lattes de bambou, qui étaient, plus de 2000 ans, liées par des cordes végétales. Les cordes se sont désintégrées et il ne reste plus aux archéologues qu'à retrouver l'ordre dans lequel ces lattes étaient. Donc ça, ce sont quelques lattes de bambou. Du premier texte qui a été trouvé au cours de l'hiver 1983-1984, texte de mathématiques, il a été trouvé dans une tombe qui a été scellée en 186 avant notre ère. Il s'agit le titre, vous avez en fait la latte de droite qui comporte le titre, c'est écrit sur les procédures mathématiques. Le terme que je traduis par mathématique renvoie aux mathématiques par un caractère qui indique un calcul avec des baguettes. Nous savons donc que dès le début du IIe siècle avant notre ère, et d'ailleurs plus tôt, on utilise des baguettes pour calculer. Le calcul est donc matériel, et en fait, aucun document ne va représenter ce qu'on fait avec les baguettes avant le Xe siècle. Quand je dis ça, ça veut dire aucun document connu. Alors peut-être que demain on sort de tombe d'une illustration. J'en doute personnellement, c'est mon hypothèse, mais peu importe. Ce que nous avons à propos de ces baguettes, c'est une description de comment on écrit les nombres avec les baguettes, justement au début de ce classique mathématique de Maître Sun, c'est le début du curriculum à l'université, et nous avons également la manière dont on calcule multiplication et division avec ces baguettes au début du classique mathématique de Maître Sun, et là, on est déjà dans la tradition des classiques. Alors, ce qu'on trouve dans... Oui. Pourquoi est-ce qu'on trouve des textes de mathématiques dans les tombes ? Probablement parce que les... on pense que les tombes, ce sont celles de fonctionnaires. Il se trouve que les textes mathématiques sont trouvés, en général, avec des textes de règlement administratif. Et donc, on a des tas de raisons de penser que les gens qui sont enterrés sont des fonctionnaires et que les gens qui font tourner la bureaucratie, ils ont besoin de mathématiques pour tout un ensemble d'opérations. En tout cas, les textes qu'on trouve dans les tombes, ils présentent des relations avec les règlements administratifs. Et donc, ils reflètent une activité mathématique pratiquée par des gens qui opèrent dans la bureaucratie. Les débuts de l'Empire, ça veut dire l'organisation administrative de la Chine avec des préfectures, des sous-préfectures. Ça implique un maillage de la bureaucratie, ça implique des fonctionnaires qui sont envoyés dans tout l'Empire et qui vont prélever l'impôt, distribuer les émoluments aux fonctionnaires, rendre la justice, etc. Pour tout un ensemble d'opérations, ils ont besoin de mathématiques. Par ailleurs, on commence à voir apparaître l'idée que certains de ces fonctionnaires ont pu former aux mathématiques des plus jeunes. Et certains ont donc enseigné les mathématiques. Et bon, dès qu'il commence à y avoir de l'archéologie, il y a des pilleurs. Dès qu'il y a pillage, il y a marché des antiquités, donc des documents qu'on trouve mais sans contexte archéologique. Donc malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on a un certain nombre de documents mathématiques qui ont été trouvés, qui ont été achetés sur le marché des antiquités, qui ne sont pas encore publiés, mais on sait déjà que dans un grand lot où il y a énormément de mathématiques, il y a pas mal de redites, ce qui me fait penser, alors que j'ai pas du tout vu ces textes, hein, mais ça me fait penser que très probablement, peut-être la personne enseignait ou avait une activité de formation de gens plus jeunes. Voilà. Donc, au début du classique de Maître Sun, on trouve une description de la manière dont on utilise les baguettes pour calculer, et cette description coïncide avec la première représentation qu'on trouve illustrant le système de nombres sur un manuscrit qui est beaucoup plus tardif, qui date du Xe siècle, et qui a été trouvé en Asie centrale. Au début du XXe siècle, il y a une cache qui a été découverte, où il y avait des dizaines de milliers de manuscrits, cache qui avait sans doute été scellée au mille. Et dans cette cache, il y avait des manuscrits, cette fois-ci, sur papier. Donc ici, vous avez un exemple de table de multiplication. Et j'ai marqué ici, en fait... Alors, ici, c'est l'énoncé qui donne la clause de la table de multiplication. Hein, 1 fois 9, 9, ici. 8 fois 8, 64, etc. Ça va de droite à gauche. Et j'ai marqué, ici, les résultats qui sont représentés avec les baguettes. Ce que dit le classique mathématique de Maître Sun en 400 correspond exactement à ce qu'on voit ici dans ce manuscrit. Donc vous voyez, si vous vous concentrez sur le chiffre de droite, vous voyez ici 4 traits verticaux. Ici, vous voyez 2 traits verticaux. Ici, 4 traits verticaux. Vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, ce sont des traits verticaux, des baguettes verticales. Quand on commence à avoir 6 ou 9, il y a une baguette qui va être mise horizontalement et les baguettes au-dessus de 5, verticalement en dessous. Donc ici on a 9, ici on a 6, ici on a 8, voilà. Si maintenant on regarde la partie gauche, vous voyez ici que vous avez 5 baguettes horizontales, correspond à 50, ici 4 baguettes horizontales qui correspondent à 40, je saute sur ça pour l'instant, 3 baguettes. Donc vous voyez que de la même manière, horizontalement, de 1 à 5, on a le nombre de dizaines, et ensuite on va avoir le même système, C'est-à-dire qu'il y a une baguette horizontale qui va représenter 5, et une baguette verticale, deux baguettes verticales, trois baguettes verticales qui vont représenter... Une baguette verticale qui va représenter 5, une baguette horizontale 1, deux baguettes horizontales 1, etc. Donc vous voyez que vous avez une alternance verticale, horizontale, et on sait qu'aux centaines c'est vertical, aux milliers c'est horizontal, etc. Donc il y a en fait un système. Vous voyez ici que 40, il n'y a pas de 0, mais que c'est représenté avec 4 baguettes horizontales. Donc à l'époque, il semble qu'on n'utilise pas de 0 pour écrire, mais qu'on utilise ce système d'alternance. 4000 et 40, c'est pareil. 4000 et 40, c'est pareil. Ça dépend des opérations qu'on fait. C'est-à-dire, ça dépend des opérations qu'on fait. Et par exemple, quand on extrait une racine cubique, on va mettre 1 qui va permettre de distinguer 4000 de 40. On va poser une baguette 1 qui va permettre de distinguer 4000 de 40. Donc, ici, je vous montre la représentation. Ce qui m'importe, c'est qu'en fait, malgré l'alternance des positions, l'arithmétique que nous allons voir est décimale. Une arithmétique décimale, c'est une arithmétique qui utilise la structure décimale de l'écriture. Et c'est une arithmétique qui est positionnelle, au sens où la valeur du chiffre va dépendre de la position à laquelle il est placé. Plus tard, nous allons voir le caractère vide qui renvoie à une position vide, que ce soit 0 comme nombre ou 0 comme chiffre. On va le retrouver dans un autre contexte. On le trouve dans le texte des 9 chapitres, dans une notation positionnelle sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Bon, à partir de maintenant, moi je vais utiliser des chiffres arabes que nous utilisons, et je vais représenter le calcul matériel par des tableaux qui se succèdent. Mais il faut voir que sur la table à calculer sur laquelle on utilisait les baguettes, c'est un film qu'il faut se représenter. Bon, je passe. Alors, je suis désolée pour Baptiste qui connaît ça par cœur, mais je suis absolument obligée, pour la raison que vous allez comprendre, de revenir à la multiplication et à la division telle que décrite par le classique mathématique de Maître Soun. Et en fait, j'insiste aujourd'hui pour vous dire que ni dans les textes qui sont les commentaires des classiques confucéens, ni dans les manuscrits, il y avait cette manière de pratiquer la multiplication et la division. Et en fait, c'est avec la multiplication et la division que je vais introduire la question des positions. Donc, extrêmement rapidement, si je veux multiplier 57 par 23, je mets 57 en haut, c'est le multiplicateur, et 23 en bas, c'est le multiplicande. Je fais glisser le multiplicande de façon à ce que son chiffre des unités soit sous le chiffre le plus élevé du multiplicateur. Ici, je l'ai multiplié par 10. Et ensuite, je fais 5 fois 2, et le résultat, je le mets dans la ligne du dessus. 5 fois 3, le résultat, je le mets dans la ligne du dessus. J'enlève le chiffre dont je me suis occupé, je redécale le multiplicant d'un côté à la droite et je reprends la routine. 7 fois 2, 14, j'ajoute au milieu. 7 fois 3, 21, j'ajoute au milieu, j'enlève. Et vous voyez que j'ai donc commencé avec une position en haut, une position en bas, pleine, une position au milieu, vide. Vous voyez que la position d'en bas, elle a fait un mouvement vers la gauche, puis un mouvement rétrograde, donc unité par unité, enfin, ordre de grandeur par ordre de grandeur à la droite, ok, mais sans que sa valeur change, alors que la position d'en haut, elle commence pleine et elle va se vider. La position du milieu, elle commence vide et elle se remplit. Jusqu'à présent, tout ça paraît totalement inintéressant. Vous voyez déjà pourquoi je parle de arithmétique décimale. C'est vraiment la structure de l'algorithme est décimale. Et la structure de l'algorithme, l'algorithme est complètement uniforme, donc il y a une relation entre la nature de l'écriture des nombres et la nature de l'algorithme d'être purement itératif et d'itérer toujours la même sous-procédure. Donc c'est quelque chose qui va s'avérer très important, c'est le lien entre une notation positionnelle et un algorithme uniforme. J'en arrive à la division et vous allez très rapidement comprendre pourquoi je fais la division. On commence la division en mettant le dividende au milieu, le diviseur en bas, en haut la ligne est vide. On décale le diviseur le plus loin possible vers la gauche pour qu'on puisse diviser la partie qui est au-dessus. On va diviser 131 par 23 et on va mettre le chiffre du quotient immédiatement au-dessus de 23. 5. Puis 5 fois 2, 10, on va retirer ici. 5 fois 3, 15, on va retirer ici. Il va rester 161. On redéplace le 23 d'un cran vers la droite. On se demande en 161 combien de fois on trouve 23, 7 fois. 7 fois 2, 14, on retranche du milieu. 7 fois 3, 21, on retranche du milieu et le quotient est 57. Quelques remarques. Vous voyez une fois de plus que l'algorithme est uniforme en rapport avec le fait que la notation des nombres et positionnel. Si j'étais parti non pas de 1311 mais de 1312, j'aurais trouvé ici 57 1 23. C'est en fait le résultat de la division 57 plus 1 23e. Les résultats de ces divisions sont donnés comme exacts. Et le résultat, c'est la configuration finale. Donc il y a un lien entre les quantités résultats et la mise en page de l'opération. Enfin, quand on pratique cette division, une division qui s'appelle Chou, je vais beaucoup revenir à ce terme Chou, quand on pratique cette division, parfois on peut chercher comme résultat le quotient entier. Parfois, on peut s'intéresser au résultat qui est le reste. Donc en fait, en fonction des circonstances, le résultat va bouger. Alors, pourquoi est-ce que ces deux opérations sont absolument essentielles? Elles sont au fondement du curriculum, c'est vraiment le début. On apprend les baguettes, puis ces deux opérations. Et vous voyez ici qu'en fait, il y a une relation d'opposition entre la multiplication et la division. Vous voyez que la multiplication, on commence par une position supérieure pleine et on va la vider au fur et à mesure. La division, on commence par une position supérieure vide, on va la remplir au fur et à mesure. La même chose inverse pour la ligne du milieu. Dans la multiplication, on commence avec une position vide, on va la remplir au fur et à mesure. Dans la division, on commence par une position pleine, on va la vider au fur et à mesure. Donc en fait, si on regarde ces deux algorithmes, position à position, ils sont opposés l'un de l'autre. Donc les positions, elles donnent à voir le fonctionnement de l'algorithme de manière telle qu'on voit que multiplication et division sont opposées l'une à l'autre dans la structuration des opérations. Vous voyez que ici, la ligne va se vider au fur et à mesure, ici, la ligne va se remplir au fur et à mesure, ici, la ligne va se vider, là, elle va se remplir, tandis que la dernière ligne, vous avez le même mouvement d'aller vers la gauche complètement au début et de rétrograder. Bon, je sais que je vais très vite. essayez simplement de nous croire qu'il y a une opération qui est un flou. Dans cette opération, il y a des positions qui vont extraire des événements. Et ces positions, elles structurent le flot des événements de manière telle que dans les flots, on représente de façon dynamique multiplication et division comme opposés l'un à l'autre. J'ai l'impression que ça pose des problèmes. Non, je me demandais simplement si mécaniquement c'était des opérations qui étaient faciles à réaliser, parce que je me demandais à quel point... C'est à la fois facile à réaliser, mais en même temps, il y a une écriture à partir des positions, des relations entre les opérations. Et ça, c'est absolument fondamental pour ce qui va suivre. Il y a une... Oui ? Quand vous dites position, vous parlez de supérieur, milieu, inférieur. C'est ça. Parce que pour moi, ces positions, elles sont assez arbitraires, en fait. Je veux dire, pour moi, on a trois variables, mais le fait que le milieu soit au-dessus du supérieur ou en dessous, ça l'algorithme pourrait être fait exactement de la même manière. On est absolument d'accord. D'accord. Simplement, il y a un choix d'écriture des algorithmes pour la multiplication et pour la division. On a un choix d'écriture qui, dans les événements qui réalisent la multiplication et la division, montre dans un grain fin des événements les relations d'opposition entre multiplication et division. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est juste le terme position qui, pour moi, fait une référence à un espace. Et pour moi, l'espace ici, il est plutôt arbitraire. Non, mais... L'opposition des trois variables, là, si vous voulez, arbitraire, si vous aviez envie d'écrire, vous écririez n'importe comment. Simplement, dans le texte, on a systématiquement ce choix qui est utilisé pour les divisions et pour les multiplications. Mm-hmm. Et on va retrouver cette configuration fondamentale dans d'autres algorithmes. Excusez-moi, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris. Ça correspond exactement au mouvement physique qu'on fait sur la table. Absolument. À quoi ça ressemble, ces objets-là? C'est des baguettes qui sont comme ça. Et on se met visiblement... on n'a pas trouvé de table, et donc on pensait que c'était sans doute n'importe quel support, par terre ou ça. Et on opérait avec des baguettes, comme moi, j'opère sur une suite. Voilà, c'est simple. Okay. C'est un calcul matériel. Et je n'en ai pas parlé, mais vous voyez donc qu'il y a de l'assignation de variables dans les positions. En fait, ce qu'on nomme dividende, ce qu'on nomme diviseur, ce qu'on nomme quotient, c'est la position. Et tout au long du texte de l'algorithme, le mot dividende, il va renvoyer à ce que contient la position du dividende à ce moment-là. Le mot diviseur, il va renvoyer à ce que contient le... etc. Et le mot quotient, pareil. Oui. Moi, si j'avais été eux, je me serais fait une petite bande mobile pour déplacer la portée flèche, pour pouvoir déplacer. C'est-à-dire qu'il y a une partie fixe et puis la partie que tu déplaces comme ça, parce que alors, si tu fais ça à la main, tu vas tout... Là, vous posez des questions pour lesquelles on n'aura pas de documents. Vous pouvez y aller comme vous voulez, mais ça restera des hypothèses. Ce qui est certain, c'est que dans le texte du classique mathématique de Maître Sun, on parle de ces deux algorithmes comme étant strictement opposés l'un à l'autre, et qu'on utilise pour décrire ce qui se passe des termes qui sont des couples de termes opposés qu'on utilise dans des textes où on s'intéresse à comment le processus naturel se déroule du jeu d'opérations opposés mais complémentaires. Vous avez entendu parler du yin et du yang. Il y a une réflexion générale sur le rôle des opérations opposées mais complémentaires dans le processus naturel, et on trouve une réflexion de cet ordre à l'intérieur des opérations qui sans doute incarnent le changement en mathématiques. D'accord ? Alors, il y a un autre truc qui est bien entendu extrêmement joli, c'est que si vous commencez la multiplication, vous faites la multiplication, vous arrivez sur la position de départ d'une division. Et vous pouvez enchaîner et vous revenez à la position de départ de la multiplication. Donc là, il y a un cycle d'opérations qui se défend l'une l'autre par le choix de ces positions. Ce qui est aussi intéressant à remarquer, c'est que si j'avais commencé par 1312, j'aurais ici 57, 1, 23, j'aurais pu appliquer la multiplication à cette configuration. Simplement, j'avais 1 ici et je reviendrais à 1312 et 23. Okay ? Donc vous avez à la fois un cycle dans les positions, c'est-à-dire des opérations qui se défont l'une l'autre exactement dans les positions, et vous avez cette polarisation des deux opérations. Alors, en fait, si vous voulez, ma thèse, c'est que ces deux opérations fondamentales, elles donnent les briques élémentaires du changement. Et il va y avoir tout un ensemble d'autres opérations qui vont être analysées avec ces briques élémentaires de changement. Donc, et les, oui, bien sûr. Oui, pardon, tu peux finir ta non, phrase. Je t'en prie. Et du coup, il me semble que ça peut servir de moyen de vérification, parce que pour vérifier une opération, soit tu fais l'opération inverse, tu regardes si tu reviens aux données initiales, soit tu la refais une deuxième fois en espérant pas faire la même erreur au même endroit. Et parce que dans le travail de Chen Yifu, là, il montrait que pour la vérification, on faisait parfois l'opération inverse, donc ça peut servir pour ça. Tout à fait. Si tu veux, le fait que les opérations se défont, premièrement, ça provient du fait que les résultats des divisions sont exacts, parce que si les résultats des divisions n'étaient pas exacts, les opérations ne se déferaient pas l'une l'autre. Et c'est utilisé dans la démonstration de la correction d'algorithme. Quand on va avoir une multiplication et une division inverse l'une de l'autre qui se font suite, on va pouvoir les enlever de la liste des opérations. Donc en fait, il y a aussi une fonction, cette fonction de défaire l'opération en appliquant l'opération inverse, elle est très importante. Les commentateurs en parlent énormément et elle intervient au cœur de la démonstration de la correction d'algorithme. Voilà, donc c'est pas seulement la question de vérification. Bon. Alors, je vais vous montrer très rapidement, vous allez m'en excuser, je vais vous montrer très rapidement une autre opération. À la limite, je ne vais pas vous demander de comprendre, je voudrais juste vous montrer comment ces briques de changement qui apparaissent dans la division, elles servent à analyser le changement que réalise une autre opération qui est l'extraction de racines carrées. Et je voudrais vous le montrer pour que vous voyez ce travail sur les positions à l'œuvre. Alors là, je suis uniquement dans la répétition de ce que j'ai déjà fait, mais je ne peux pas trop sauter parce que c'est la base pour la suite, donc je suis obligée de me répéter et j'en suis absolument désolée. Donc, pour réaliser une opération d'extraction de racine carrée, imaginons que j'extrais la racine carrée de 55 225, ça n'a aucune importance. Ce qui est intéressant, c'est que le texte de l'algorithme qui va dire comment on fait cette opération, comment on exécute cette opération, va renvoyer à des positions, va renvoyer à une mise en page et à des événements sur la table à calculer, comme si c'était une division. Donc, il va y avoir les mêmes termes que les termes de la division qui vont être utilisés, à la fois pour les positions, mais aussi pour les déplacements, puisque ici, par exemple, on met une baguette, on va la déplacer, ça va être le même terme de déplacement que celui qui faisait bouger le 23 vers la gauche. Il va y avoir ensuite des rétrogradations. Alors, bon, pour vous expliquer avec Liu Hui, le commentateur de 263, je vous rappelle, il va décrire une figure pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans l'algorithme d'extraction de racines. De la même manière que nous n'avons pas d'illustration des baguettes, nous n'avons pas de figure dans le texte, et je pense que c'est pour la même raison, je pense que ces figures étaient aussi des objets matériels. Ce n'est pas l'exposé d'aujourd'hui, donc je saute. Donc en fait, si vous cherchez le côté de l'ère grand A, vous allez commencer par trouver le chiffre qui correspond à l'ordre de grandeur le plus élevé. Ensuite, vous allez évidemment enlever, si c'est A 10 puissance n, vous allez enlever A carré 10 puissance 2n de l'ère grand A. Puis, vous allez vous préparer à enlever cette bande qui correspond au chiffre suivant, petit b, qui lui correspondra, on simplifie les choses, à l'ordre de grandeur n-1. D'accord ? Donc vous allez préparer 2a 10 puissance n que multiplie 10 puissance n-1 et vous n'aurez plus qu'à multiplier par petit b pour avoir l'aire de cette bande. D'accord ? D'abord, on enlève le carré a carré 10 puissance 2n. C'est ce qu'on fait ici quand on met d'abord 10 puissance 2n avec le déplacement de la baguette. On cherche le premier chiffre qu'on va pouvoir enlever, on le met au quotient et on en multiplie la baguette de façon à ce que l'opération d'élimination qui correspond à l'opération de la division, chiffre d'en haut que multiplie diviseur retranché du dividende, va enlever précisément l'aire du premier carré. D'accord ? Je veux, dans un premier temps, calculer a carré 10 puissance 2n qui correspond à l'aire qui est donnée par le premier chiffre, alors 10 puissance n que je trouve. Et la mise en page de l'opération, elle est faite comme une mise en page de division, c'est-à-dire qu'on a le quotient en haut, le diviseur en bas, l'aire qu'on appelle le dividende au milieu, et le cœur de l'opération, ça va être de multiplier le chiffre d'en haut par le diviseur pour le retrancher. Et on met ça en scène en ayant préparé A 10 puissance 2n en bas, de façon à ce que, quand on le multiplie comme dans une division par le chiffre d'en haut, ça enlève A carré 10 puissance 2n. OK ? Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est se préparer à enlever la bande qui correspond au deuxième chiffre. Le deuxième chiffre, c'est B 10 puissance n-1. Donc chacun de ces rectangles, ça va être, il va avoir ceci comme R, et ce carré, il va avoir ceci comme R. En fait, au lieu de retrancher chacune de ces R séparément, on va calculer ce qui, multiplié par petit b, le chiffre suivant du quotient, va donner l'aire de cette bande qu'on va retrancher de ce qui reste au dividende comme l'aire. Oui. On est d'accord que ça c'est une représentation géométrique, mais c'est pas du tout les positions. Ça c'est pas utilisé comme non, position. Je vous ai... c'est une représentation c'est géométrique du problème. Il y a deux choses. D'une part, pour vous expliquer, je vous fais ça. Mm-hmm. Et d'autre part, c'est le diagramme que décrit le commentateur pour expliquer pourquoi l'algorithme est correct. D'accord, c'est ça. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est utilisé comme mise en page. Non, d'accord. Ça c'est moi qui d'accord. vous le mets pour oui, que oui. vous compreniez, parce que c'est juste pour vous donner une idée, pour pas que vous ayez des trucs, voilà. Donc, la manière dont la bande, la manière dont ce qu'il faut multiplier par petit b pour avoir l'aire de cette bande, la manière dont l'algorithme le calcule, l'algorithme multiplie A 10 puissance 2n par 2. Je saute sur les finesses de la conditionnelle qui est ici parce que je ne peux pas parler de tout. Je veux vraiment parler des... Donc ici, on commence par multiplier 2a 10 puissance 2n par 2. Puis, on va rétrograder 2a 10 puissance 2n pour avoir 2a 10 puissance n, 10 puissance n moins 1. C'est ça qu'on veut multiplier par petit b pour avoir les aires des deux rectangles. On commence à mettre dans une ligne auxiliaire une baguette qui va marquer le 10 puissance 2n moins 1, ce qui va nous donner, qui va être la base pour calculer l'aire du petit carré en haut à droite. On cherche le chiffre suivant du quotient, c'est-à-dire de la racine. On multiplie par ceci, on ajoute, et ici on a ce qu'il faut multiplier par petit b pour être retranché de ça, c'est-à-dire on a le diviseur qui multiplié par le chiffre suivant du quotient va être retranché du dividende. D'accord ? Vous voyez l'idée de comment on... L'importance... Enfin, comment dire ? Ce qui est important ici, c'est de comprendre comment on façonne le flot de l'extraction de la racine carrée pour le faire rentrer dans le moule d'une division. Mais ici, oui, il y a des opérations intermédiaires, parce que vous avez dit que la troisième ligne, il fallait la multiplier par donc B, et après la retrancher. Mais la multiplication de la troisième ligne par B, elle nécessite de reposer une... Absolument. Donc alors, du coup, on prend cette troisième ligne comme un nouveau... Alors, ce qui est extrêmement important, c'est que... En fait, nous sommes là dans les 9 chapitres. Il y a uniquement 3 positions qui ont un nom. Ce sont les 3 positions supérieures. Les positions en dessous n'ont pas de nom. Ce sont des positions auxiliaires qui permettent d'ajuster le diviseur pour que ça rentre dans une division, mais ces positions n'ont pas de nom. Les noms renvoient aux noms qui correspondent dans la division. Et correspondre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mêmes événements se produisent dans ces lignes que les événements qui se produisaient dans une division. Autrement dit, de la même manière que la relation entre la multiplication et la division était une relation d'opposition, vous avez ici, par la même méthode et avec les positions, la construction d'une relation de similarité entre la division et l'extraction racine. Mais c'est la même manière d'écrire quelque chose sur les opérations. C'est la même culture de travail sur les positions qui est une culture de recherche des relations entre les opérations à travers... C'est une culture de recherche des relations entre les opérations à travers le maniement des positions. Et là, vous voyez que les positions de la division et de la multiplication joue un rôle de référence. D'accord, mais comment on multiplie par B alors la troisième ligne ? On est bien obligé de... Il faut un peu de récursivité pour pouvoir... Ce qui va se passer, c'est que ici, on a un calcul auxiliaire. D'accord ? Ici, on a un calcul auxiliaire, on calcule 10 puissance 2n moins 1. Ensuite, on va chercher le chiffre suivant de la racine, de même qu'on chercherait le chiffre suivant du quotient. Mmh. On trouve petit b. Mmh. On multiplie la ligne d'en bas par petit b. Mais ça et on ajoute. Cette multiplication, elle est complexe. Il faut la reposer derrière. Non, c'est-à-dire, on a petit b, on a ici 10 puissance 2n moins 1, qui est une baguette. Ah oui, en fait, il suffit juste de mettre le nombre de baguettes de b dans la colonne qui correspond. C'est ça. Parce que l'opération est... C'est ça. Parce qu'on a une baguette 1, on avait une baguette 1 ici, il suffit de mettre le chiffre là. Et ensuite, pourquoi on va le garder, celui-ci, momentanément ? C'est qu'à la fin, on va revenir... À la fin, on va avoir exactement le même raisonnement, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 fois A 10 puissance n plus B 10 puissance n moins 1 ici, pour préparer de retirer la bande suivante de l'aile. Bien. Si vous voulez, ce qui m'importe, c'est qu'il y a des noms de fonctions, quotient, dividende, diviseur, qui correspondent à des noms de positions. Et c'est ce que je vous montre du point de vue des opérations, ça correspond à une rédaction de l'algorithme d'extraction qui est écrit comme si c'est un algorithme de division avec des modifications bien entendu. Donc, premièrement, les positions et les déplacements sont façonnés de manière à ce que la relation entre l'extraction racine et la division apparaisse. Je vais sauter sur l'argument historique parce qu'on n'en a pas besoin, sinon j'arriverai absolument jamais, jamais, jamais au théorème d'Ariste chinois. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'extraction de racine cubique va être écrite de la même manière par rapport à la division et par rapport à l'extraction de racine carrée. Donc, vous voyez un monde d'opérations qui se structurent avec certaines opérations qui sont présentées comme opposées l'une à l'autre par le calcul sur les positions et d'autres opérations qui sont présentées comme analogues l'une à l'autre par les positions. Donc vous avez l'ébauche de l'élaboration d'une structure, d'un ensemble d'opérations. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'extraction de racines se prescrit comme divisé par l'extraction de la racine carrée. Donc c'est vraiment le terme de chou, la division, qui sert à prescrire et qui marque le lien de cette opération avec l'opération de division. De ce que je vous ai présenté, et d'autres choses que je, dans le détail desquelles je ne veux pas rentrer, je voudrais conclure qu'on a donc des positions dont la référence se trouve dans les deux algorithmes fondamentaux de multiplication et de division. Ces positions, elles vont de pair avec un système d'écriture positionnelle pour les nombres. En fait, à la limite, si vous réfléchissez, vous avez des positions horizontalement et des positions verticalement. En fait, tout est position. Ces positions, elles sont liées à l'uniformité dans le déroulement de l'algorithme. Il y a beaucoup d'itérations et il y a des positions qui vont avoir des changements comparables. Donc vous voyez un travail sur la réduction du changement à des éléments de base. Et vous voyez aussi comment il y a un travail de mise en relation des opérations par la mise en relation de leurs exécutions sur les positions. Alors, par contraste avec ce monde-là, qui s'ébauche, dans la culture de calcul que mon collègue Zhu Yiwen a décrit dans les commentaires en classique confucéen. On n'a jamais le verbe placer. Donc, c'est une manière de faire des calculs qui n'utilise ni baguette, ni positionnement de valeur quelque part. Donc, on a déjà un contraste qui est assez fort. Si je regarde maintenant par rapport au manuscrit, on trouve le verbe placer dans le manuscrit, on trouve le mot baguette, on trouve, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le titre du manuscrit qu'on a trouvé, il y avait une référence au calcul avec des baguettes, mais on ne trouve pas référence à cette division chou que je viens de vous décrire, et on ne trouve pas de référence aux positions ni pour le système d'écriture des nombres, ni pour le système d'écriture des opérations. Donc c'est comme si la position comme objet mathématique, elle était apparue en même temps pour l'écriture des nombres, pour l'écriture des opérations, et en fait, c'est un des éléments clés de cette tradition qui est incarnée par les classiques. D'accord ? Par contraste, dans les manuscrits, et là vous avez un manuscrit qui n'est pas complètement publié et juste, c'est 10 lattes qui ont été publiées. Je suis désolée, j'ai eu la flemme de traduire ce que j'avais déjà écrit en anglais. Et dans les manuscrits, ce que vous avez, ce sont des tables comme celle-ci pour la multiplication des puissances de 10. Je pense que quand vous avez, et c'est un manuscrit, mais dans tous les manuscrits, vous avez des tables de multiplication des puissances de 10, je pense que là où vous avez des tables de multiplication des puissances de 10, vous n'avez pas de système positionnel d'écriture des nombres, et vous avez un système de multiplication ou de division qui s'appuie sur des tables de ce type. Donc quelque part, ces tables, elles incarnent une arithmétique autre, qui est une arithmétique sans position. D'accord ? Alors, je voudrais... C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que c'est une arithmétique flottante ou pas spécialement ? C'est une arithmétique où tu travailles avec les quantités, mais sans que le 1 placé à un endroit donné ne veuille dire 100 parce qu'il est là. Donc en fait, c'est une arithmétique qui travaille avec les quantités, qui, je pense que les multiplications sont, quand c'est possible, pratiquées par des multiplications à un chiffre. C'est-à-dire que par exemple, 375, à un certain moment, il faut multiplier par 375, tu vas le transformer en des multiplications par 5 un certain nombre de fois ou par 3. C'est des décompositions du multiplicateur par facteur multiplicatif, mais pas par position décimale. D'accord, hein? Donc en fait, c'est une pratique de l'arithmétique complètement différente et on ne voit nulle part d'importance accordée à la position. Ok ? Alors, je voudrais vous montrer... Bon, j'ai juste, bien entendu, simplement esquissé le contraste avec... J'ai juste esquissé le contraste avec les manuscrits. Je voudrais vous montrer un tout petit peu plus la structuration d'un ensemble d'opérations, l'usage des positions à partir de deux autres exemples d'opérations. L'une, c'est l'équation quadratique. En fait, quand vous en êtes là de l'extraction de racines, si vous avez enlevé cette chose-là, d'accord ? Supposons que vous oubliez le début de la racine. En fait, ce que vous avez, c'est l'opération qui calcule l'inconnu x lorsque x carré plus gx égale la n. Donc ça c'est g sur 2, ça c'est g sur 2, petit g sur 2. Grand G c'est l'air de ceci. D'accord ? Donc si vous oubliez la première partie de l'algorithme, x carré plus gx égale grand G, c'est une équation quadratique. En fait, l'équation quadratique, dans le même texte, c'est une opération à deux positions, un dividende et un diviseur, qu'on va rentrer dans l'algorithme d'extraction racine pour trouver la racine. Autrement dit, ici vous voyez la fabrication d'une opération par extraction du flot d'une autre opération et les opérandes de cette opération, ce sont les opérandes qui sont sur la surface à calculer à ce moment-là. Donc, poursuite de la construction d'un espace d'opération. Si on se demande maintenant où on trouve ce terme true et la division qui l'accompagne, on se rend compte qu'on le trouve dans un autre chapitre qui apparaît avec les 9 chapitres et qu'on ne trouve pas du tout dans les manuscrits, qui est le chapitre de la résolution des systèmes d'équations linéaires. Donc, pour nous, on a un algorithme qui s'appelle le pivot de Gauss, qui est un algorithme qui transforme en gros le système que vous avez là en un système triangulaire, et à partir de là, on trouve XL et on remonte pour trouver les autres inconnus. C'est le même algorithme qu'on va trouver en Chine. Simplement, ce qui est la première équation va être écrit comme la première colonne, la deuxième équation, la deuxième colonne, la troisième équation, la troisième colonne. Donc vous voyez ici à nouveau des éléments que nous avons déjà rencontrés. Vous voyez que les termes constants vont être désignés comme dividendes. C'est mon interprétation, je ne vais pas rentrer dans le détail, que face à la ligne des dividendes, le carré des coefficients est perçu comme un carré de diviseur. Il y a un terme qui est utilisé qui est un synonyme de diviseur. Il va avec le terme carré. La description, c'est vraiment le carré là. Et donc, je pense que l'idée de l'opération, c'est une division étendue, une division où ça n'est plus un dividende qui est face à un diviseur, mais c'est une ligne de dividende qui est face à un carré de diviseur. Et le terme qui est utilisé pour l'opération qui va correspondre à... Ce qui va se passer, c'est qu'on va multiplier cette colonne par 1, 1, 1, et on va retrancher, éliminer la colonne de droite autant de fois qu'il le faut, c'est-à-dire A, 2, 1 fois, pour que la position ici disparaisse. Puis on va utiliser cette colonne pour éliminer, pion, etc. Cette opération qui vide la position, elle est appelée chou vertical. Donc c'est le même terme, mais appliqué verticalement au lieu d'être appliqué horizontalement. Je pense que le système d'équations linéaires est perçu comme une division généralisée. Alors, je voudrais... Bon, j'ai parlé une heure. Est-ce que, comme il y a eu un certain nombre de questions, je peux quand même vous montrer quelque chose de Tintio-Shaw? Alors, ce que je vais faire ici, je ne vais pas du tout vous expliquer les mathématiques. Si vous avez envie que je vous explique les mathématiques, tout est là, mais vu le temps, je vais être obligée de sauter un peu les mathématiques. Je passe donc à un texte qui est absolument remarquable, de 1247. Le XIIIe siècle, c'est un siècle très fécond en matière de mathématiques en Chine. Ça, c'est le premier ouvrage très important. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que, en fait, les deux algorithmes les plus stupéfiants que contient cet ouvrage ne sont que des réductions de l'algorithme à des successions de divisions, comme vous avez vu la division, et de multiplication, comme vous avez vu la multiplication. Et comme cet ouvrage commence par des références à ce qu'en français on appelle le I Ching, et ce qu'en chinois on dit plutôt I Ching, je pense qu'il y a véritablement une réflexion philosophique qui est située par rapport à une réflexion sur la manière dont le changement se produit du fait de l'alternance entre deux principes opposés et complémentaires. Alors, l'un des algorithmes, ça va être un algorithme qui généralise l'extraction de racine carrée dont je vous ai parlé, et qui, désormais, va permettre de trouver des racines d'équations algébriques à coefficients positifs et négatifs de n'importe quel degré. Donc ici, vous avez l'écriture d'une équation, le dividende, c'est marqué là, dividende, et ici, vous avez bien le mot diviseur, c'est le deuxième caractère, pour décrire tous les autres chiffres. Et maintenant que vous savez lire avec les baguettes, vous voyez qu'il y a 1, c'est le terme en x puissance 4, 0, 0, le 0 est apparu au XIIIe siècle dans les textes, 0, et la racine carrée. Donc ici, c'est simplement une extraction de degré 4. Ici, en revanche, vous avez une équation avec des coefficients, donc c'est toujours une équation de degré 4. Vous voyez qu'il y a le coefficient en x4, 0 pour x3, le coefficient en x2, celui-ci est vide, et le terme constant. Donc vous avez une écriture positionnelle des équations. Elle est apparue alors qu'elle n'était pas présente. Donc à nouveau, une notation positionnelle pour un objet mathématique. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est comment l'algorithme de résolution qui va fonctionner pour n'importe quel degré, n'importe quelle équation, n'importe quel coefficient, je voudrais vous montrer comment cet algorithme se décompose, ça va être totalement évident, du point de vue des positions, du point de vue des positions, en une succession de multiplications et de divisions. Regarde, c'est l'algorithme qu'on appelle aujourd'hui l'algorithme de Ruffini-Horner. Imagine, je vous le montre simplement sur, comme si c'était une extraction de racine cubique. Vous pourriez prendre n'importe quelle équation, ce serait pareil. Ok ? Et avec la racine cubique, vous allez voir les coefficients se former et vous allez comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors que si je vous le montrais sur une équation générale, ce serait moins clair. Donc, extraction de racine cubique, on met le volume qu'on veut extraire la racine cubique, grand A, qui s'appelle dividende, dans la position juste sous celle du quotient. On met deux positions dividendes et on place une baguette, on déplace le plus loin vers la gauche qu'il est possible pour avoir la position du chiffre d'ordre de grandeur le plus élevé. Regardez cet algorithme et dites-moi s'il n'est pas joli. On commence par trouver le premier chiffre de la racine. Je vous ai montré le début des 10 puissance 3n. Pour que ce soit plus clair, je ne vais plus vous montrer les 10 puissance 3n, 3n-1, 3n-2. Ce sera plus clair. Donc, on va dire maintenant que le A, il incorpore l'ordre de grandeur. Regardez. On prend le chiffre petit a, on multiplie par 1, on ajoute. À la ligne du dessus. Vous m'accorderez que c'est une multiplication. C'est exactement la multiplication. On prend un chiffre en haut, on multiplie par en dessous, on rajoute au milieu. Vous vous rappelez ? Ou pas ? Oui ? On continue. On prend petit a, on multiplie par la deuxième ligne à partir du bas, on ajoute au-dessus. Multiplication. Exactement le même principe. On prend le chiffre d'en haut, on multiplie par la ligne du dessus, on rajoute à la ligne du dessous, c'est une multiplication. On continue. On prend le chiffre petit a, on multiplie, et là on retranche. Cette fois-ci, c'est une division. Je prends le chiffre d'en haut, je multiplie par la ligne du dessous, je retranche à la ligne du milieu. Vous vous rappelez, le principe de la multiplication, c'est je multiplie en haut par en bas, je rajoute au milieu. Le principe de la division, je multiplie en haut par en bas, je retranche du milieu. D'accord ? Donc vous avez vu comment le calcul de A moins A cube se décompose en une succession purement de multiplication et de division. Maintenant, il faut calculer les coefficients qui vont permettre de s'occuper du chiffre suivant de la racine. On continue exactement le même algorithme, mais en allant une ligne plus bas. On multiplie A par 1, on ajoute au-dessus. Multiplication. On multiplie A par 2a, on rajoute au-dessus, multiplication. On s'arrête, on recommence la même chose, mais cette fois-ci en allant un cran encore au-dessus. On multiplie a par 1, on ajoute au-dessus, et on a le tableau, à partir duquel on peut s'occuper du chiffre suivant de la racine cubique. Ok ? Donc vous avez vu que ce changement, c'est une pure succession de multiplication et de division. On a décomposé complètement le processus qui fabrique la racine cubique, on l'a décomposé complètement avec les positions en une succession de multiplication et de division. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il en est pour le deuxième chiffre, ni vous donner les explications mathématiques. La seule chose que je voudrais faire, c'est vous rappeler le théorème des restes chinois et vous montrer comment l'algorithme principal fait la même chose que ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire qu'il pulvérise les opérations qu'il faut faire en une suite de multiplication et de division. De la même manière. Alors, d'abord, je vous rappelle, je m'excuse, c'est en anglais, une fois de plus, je n'ai pas traduit en français, je m'en excuse. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce texte du XIIIe siècle et qui renvoie au fait qu'on a appelé ce théorème « théorème des restes chinois » ? On a un certain nombre qui, par rapport au module grand M, donne le reste grand A, par rapport au module grand N, donne le reste grand B, etc. Il faut savoir que dans ce contexte, les modules peuvent être des nombres extrêmement simples. Ça peut être des nombres de jours avec des fractions comme ça. Ça peut être n'importe quoi. Ces restes sont transformés en le problème que nous associons au théorème des restes chinois, à savoir, si j'ai un nombre entier petit x qui congrue à des modules m, n, r qui sont premiers de z2, donne respectivement les restes a, b, c, trouver petit x. Alors, la stratégie qu'on trouve dans ce texte du IIIe siècle, c'est la même que la stratégie que nous connaissons, c'est-à-dire que nous prenons deux modules annaires et que nous calculons U tel que NRU est congru à 1 modulo M. NRU va être évidemment congru à 0 modulo M, NRU va être congru à 0 modulo R. Donc, si on a NRU congru à 1 modulo M, on aura un nombre tel que ANR, ce nombre, va être congru à 1 modulo M. La même chose pour les autres. On les ajoute et on va trouver que ceci va être congru à A modulo M, 0, ça seulement, hein, 0 modulo N, 0 modulo R, ça pareil. Et on va retrancher un certain nombre de fois le produit pour avoir la plus petite des solutions. Ça, c'est l'idée générale. Donc, vous comprenez que le problème clé, c'est ça. Quand on a fait le théorème des restes chinois, on a réglé le problème clé par des arguments algébriques. En Chine, il y a un algorithme pour produire le nombre U tel que NRU est congru à 1 modulo M. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi l'algorithme fonctionne. C'est un problème de fraction continue qui explique ça très facilement. J'ai toutes les slides ici, si ça vous intéresse, je peux vous le montrer. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est comment cet algorithme, c'est de la pure multiplication, de la pure division. Chang et Chu, les deux opérations qu'on a vues dans le Sunzi Xuanjing. Alors, j'ai séparé ici les successions d'états de la surface à calculer par des bandes grises de manière à ce qu'on voit plus clair. Ok ? Donc, l'opération qu'on veut réaliser, c'est qu'on veut trouver X D'accord. On veut trouver x tel que ax est congru à 1 modulo n. Ok ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met a ici, m en dessous. A va être le diviseur, m va être le dividende, et on va pratiquer la division miroir. On commence par une division. Vous vous rappelez que dans ce qu'on avait vu, le quotient était au-dessus, le dividende était au milieu, le diviseur était en dessous. Ici, on fait l'opération miroir. Le diviseur est en haut, le dividende est au milieu, le quotient va être en dessous. Et les miroirs, vous allez en voir beaucoup dans ce qui va venir. Regardez ce qui se passe. On divise A par M, on obtient le quotient Q1 et le reste R1 vient remplacer M. On a placé dans la colonne de gauche 1 et 0. Pour l'instant, j'ai fait une division miroir. Je prends ce quotient, je le multiplie par 1, j'ajoute en bas. Vous voyez que quand je fais ça, je fais une multiplication. Je prends le bas, je multiplie par en haut, j'ajoute au milieu. C'est une multiplication miroir. Le multiplicateur est en bas, il n'est pas en haut. Le multiplicand est en haut et le résultat est au milieu. Ici, j'ai la configuration de la division orthodoxe, si je puis dire, c'est-à-dire celle qu'on trouve dans le classique de Sunzer. Je recommence, je fais la division de A par R1, je trouve que le quotient est Q2 et le reste R2. Vous voyez que c'est exactement la division en position. Le quotient est en haut, le reste est au milieu, le diviseur est en bas. Je prends Q2, je multiplie par Q1, j'ajoute à 1. Pure multiplication de Sunzer dans l'ordre de Sunzer, c'est plus le miroir. Ça me fait ici Q2Q1 plus 1, Q1. Et je continue à pratiquer la division miroir, la division régulière, la division miroir, la division régulière, jusqu'au moment où j'arrive à 1. Quand j'arrive à 1 ici, je continue la multiplication du quotient ici par le multiplicand ici, que j'ajoute ici, c'est le nombre Pn, tel que Pn fois A est congru à 1 modulo M. Donc vous voyez comment, je ne vous ai pas expliqué pourquoi, parce que les mathématiques exigeraient des minutes que je n'ai pas, mais vous voyez comment cet algorithme sur les positions, c'est purement une succession de division miroir, de multiplication miroir, qui sont liées les unes aux autres. Bon, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'en fait, il y a une division de cas qui est arrangée de manière telle que la fin du flow est toujours signalée par le fait qu'on a 1 ici. En gros, si le 1 se présente en haut, c'est bon. Si le 1 se présente en bas, il y a un truc qui permet de se ramener au cas où le 1 se présente en haut. Et à ce moment-là, le nombre qui fait marcher la question est toujours en haut à gauche. Je ne veux pas rentrer dans les mathématiques, mais j'espère que vous voyez comment cet algorithme est décomposé en des opérations élémentaires de multiplication et de division en position, division, division, miroir, oui. En fait, moi je comprends bien tout ça, mais j'imagine qu'on a d'autres algorithmes qui existent des mathématiques occidentales et qui doivent aussi être décomposés en multiplication et en division, excepté que on ne donne pas une place géographique aux variables, mais je veux dire, tout algorithme arithmétique se décompose en des successions d'opérations simples, telles que la multiplication, la division, excepté qu'il n'y a pas cette localisation. D'accord. Merci de poser cette question, parce que ça va me permettre de clarifier quelque chose. ça va me permettre de clarifier quelque chose. Je vais revenir ici. Ou plutôt, je vais revenir ici. Qu'est-ce que je veux dire par décomposer ? Je veux dire que quand j'ai trouvé le premier chiffre d'extraction de la racine cubique, je pourrais utiliser les coefficients binomiaux, je pourrais multiplier ça par 3 et ça par 3. Ça, c'est une autre manière de faire l'algorithme. Ça n'est pas une manière qui est décomposée en multiplication en position et en division en position. Parce que je prends le 3 d'ailleurs, et je viens le mettre ici, et c'est un nombre qui vient de l'extérieur. Ce que je veux dire par la décomposition en multiplication et en division, je veux dire que ce sont multiplication et division produits uniquement par le processus des nombres qui sont sur la table à calculer. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, il y a une raison mathématique pour laquelle il est possible de n'avoir que multiplication par le chiffre d'en haut d'une ligne d'en bas que j'ajoute ou que je retranche à une ligne du dessus. Il y a des raisons. C'est l'inverse, mais bon. Bon, je ne sais pas ce que j'ai dit. Il y a des raisons pour lesquelles chiffre d'en haut multiplié par ligne d'en bas ajouté ou retranché à la ligne du dessus, cette répétition-là, de cette opération-là, il y a des raisons mathématiques pour qu'elle engendre la recherche de racines de l'équation. Mais ce que, en l'occurrence ici, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas amené des coefficients binomiaux. D'ailleurs, le triangle de Pascal existe à l'époque en Chine. On sait parfaitement prendre des données dans le triangle dit de Pascal pour multiplier les bonnes valeurs par les bons coefficients pour pratiquer. Mais cet autre algorithme, qu'est-ce qu'il a comme particularité par rapport à l'algorithme qui amène des coefficients binomiaux, c'est qu'il montre comment, par exactement le même, un algorithme totalement uniforme, parce que si j'amène des coefficients binomiaux, la racine carrée, je vais devoir amener 2, la racine cubique, je vais devoir amener 3 et 3, la racine quatrième, je vais devoir amener 4, 6 et 4, donc, je vais devoir changer le principe des nombres que j'amène en fonction des nombres que j'amène. Alors qu'en fait, cet algorithme, si je le pratique sur les 3 lignes en dessous du dividende, c'est une racine cubique. Si je le pratique sur 4 lignes en dessous du dividende, c'est une racine quatrième, etc. En fait, ça veut dire que l'algorithme prend en compte le recalcul des coefficients binômes. Il prend en compte le calcul des coefficients. C'est qu'il les C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est cet algorithme ? C'est un algorithme qui incorpore un moteur de production des coefficients binomiaux à travers un travail sur les positions. Donc il échange de l'espace contre du temps. Ouais. Au lieu d'avoir une table de coefficients, exactement, tu les recalcules. Exactement. Mais plus que ça, si tu veux. D'une part, cet algorithme, il incorpore un moteur qui produit les coefficients binomiaux. Mais d'autre part, cet algorithme, il est strictement uniforme. C'est-à-dire que c'est le même algorithme qui va produire la racine, parce qu'en Chine, on pense à l'époque qu'il y a une racine, et qu'il y en a toujours une. C'est l'algorithme qui va produire la racine, quelle que soit l'équation. C'est-à-dire, soit une équation de degré 10 ou de degré 4, ce sera exactement le même algorithme, c'est simplement le nombre de positions qui va changer. Ça, c'est OK. Mais on a des algorithmes en Occident qui font aussi... Bon, j'ai essayé de montrer que la Chine était plurielle. Alors, bien entendu que partout ailleurs, il y a d'autres algorithmes qui font ça. Cet algorithme-là, il est comparable, il a des différences également, mais il est comparable à un algorithme que Ruffini et Horner, tous les deux, ont proposé pour la recherche de racines d'équations au début du 19e siècle. Il est comparable, il n'est pas le même. Il y a également des différences qui font que ce n'est pas du tout le même environnement théorique, etc. Mais un algorithme uniforme qui produit des racines d'équations, c'est Rufinirmo. Maintenant, dans le monde arabe, au XIIe siècle, pour l'extraction racine énième, pas pour les extractions racines d'équations, pas pour les recherches de racines d'équations, on a également cet algorithme de Rufinirmo qui... Donc vous avez compris que cet algorithme, il se caractérise par le fait de générer les coefficients sans avoir besoin de prendre le tableau des coefficients binômiques. Donc on trouve cet algorithme également avec exactement la même mise en page, mais sur un système sexagésimal d'écriture des nombres, au XIIe siècle dans le monde arabe, et probablement qu'il y a des relations historiques sans qu'on puisse véritablement établir par où c'est passé, mais disons exactement le même algorithme, exactement la même mise en page, ça donne à sentir que probablement c'est lié. Mais en tout cas, merci d'avoir posé la question parce que ça m'a permis de clarifier ce que je voulais dire. De même que pour l'algorithme qui calcule les solutions au problème qui correspond au théorème des restes chinois, on pourrait. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que c'est vraiment dans les positions qu'on a inférieur, supérieur, inférieur, et qu'on a une décomposition de l'opération qui exécute, qui réalise, enfin, qui calcule la solution de ce problème, on a une décomposition de cette opération en une succession de multiplication et de division miroir l'une de l'autre. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que les multiplications et les divisions, elles font ça, et qu'en fait, si vous vous rappelez, vous allez retrouver exactement ce que je vous ai montré avec ce nous ajustement, avec le maître Sun. Alors, attends, j'arrive plus à trouver l'espoir en ligne. Nous, on la voit. Vous la voyez ? Oui. Derrière, elle est sur notre écran. Ah, voilà, ça y est. Alors, une seconde, je vais vous montrer juste un truc que je trouve absolument incroyable. Vous voyez quand même que, ici, on part de, du côté de la division, tout est plein, du côté de la multiplication, tout est vide, et on arrive à la fin de l'opération, du côté de la division, tout a été vidé, et du côté de la multiplication, on a le nombre qu'on cherche. Et si on va un cran plus loin, on a cette même propriété de cycle qui est qu'on a rendu le nombre dont on était parti. Donc en fait, on a les mêmes propriétés de symétrie, d'opposition avec l'ajout de la dimension miroir qui en fait correspond aux deux cas pair et impair, on a les mêmes propriétés de circularité. Bon, je ne rentre pas dans l'algorithme, mais ce que je veux vous montrer, c'est comment cet algorithme est engendré. Comment il est constitué. Plutôt qu'en vrai, comment il est constitué, quels sont les éléments constitutifs des flots d'opérations qui produisent la solution. J'espère que vous aurez, disons,